Nous c'est donc ça pue du ubu, docteur en pataphysique. Et l'oulipienne a trop bu, elle contrôle plus son physique. Un maître en science inexacte, à l'oulipo qui se détracte. Vas-y dans le métro, tu verras tous ces petits rats de métro. Un maître au nom économe change de tempo à son contact. Il ne manquerait plus que Zazie pour mettre la zizanie. Mais dans le métro tout penaud, quelqu'un a lu tout quenaud. Vas-y dans le métro, tu verras tous ces petits rats de métro.